easy. Oh. Ah. Hey. On se fait la guerre encore et encore sans même vouloir la gagner. C'est chacun son tour, qui est-ce qui se prendra la première balle du baril? À moitié des terres, quand on se dit que cette fois-ci c'est sûr que c'est terminé. Le temps que l'on perd à se disputer, on ne pourra jamais le regagner. Entre nous, y'a que de l'amour, mais trop difficile à éparpiller. Entre nous, y'a que des retours, parce qu'on supporte pas d'être éloigné. Un discours de sourd, on ne prend même plus la peine de s'écouter. C'est parce qu'on se connaît, yeah. J'aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus les mots. J'aime changer d'avis, quand tu me tournes le dos. Je préfère près de moi plutôt que chez un autre. Yeah, t'aimes quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus les mots. Oh, oh, t'aimes changer d'avis quand je te tourne le dos. Tu me préfères près de toi plutôt que chez une autre. Yeah. Encore et encore, on se dit au revoir, mais sans être déterminé. Faut changer l'ampoule à force de s'amuser avec l'électricité. Et même dans le noir, on reste persuadé que ça va jamais se terminer. On garde un espoir tant qu'il reste des bulles dans la bouteille de Perrier. On commence à chaque fois la course, personne n'accepte de finir dernier. On consumera tout notre amour jusqu'à le voir tasser dans le cendrier. On s'est dit pour toujours et toujours c'est le nom du calendrier. C'est parce qu'on se connaît. Yeah. Quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus les mots. J'aime changer ta vie quand tu me tournes le dos. Te préfère près de moi plutôt que chez un autre. Yeah. T'aimes quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus les mots. T'aimes changer ta vie quand je te tourne le dos. Tu me préfères près de toi plutôt que chez une autre. Yeah. Chérie, ma pire ennemie. Je te déteste le jour, mais qu'est-ce que je t'aime la nuit. Ouais, jamais d'accord, sauf quand c'est pour se dire ça va jamais finir, jamais finir. Chérie, ma pire ennemie. Je te déteste le jour, mais qu'est-ce que je t'aime la nuit. Ouais, jamais d'accord, sauf quand c'est pour se dire ça va jamais finir, jamais finir. Même quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus les mots. J'aime changer d'avis quand tu me tournes le dos. Te préfère près de moi plutôt que chez un autre. Yeah, t'aimes quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus les mots. T'aimes changer d'avis quand je te tourne le dos. Tu me préfères près de toi plutôt que chez une autre. Yeah. Quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand y'a plus les mots. J'aime changer d'avis quand tu me tournes le dos. Je te préfère près de moi, près de moi, près de moi.